إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله ابتلى الله عباده بدين الحق ليقوموا به ويدعوا إليه ويذبوا عنه ويجاهدوا فيه وابتلاهم بأديان الباطل ليرفضوها ويكشفوا باطلها ويحذروا الناس منها ويجاهدوا دعاتها ولدين الحق دعاته وممن خلفنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون كما أن لأديان الباطل دعاتها وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ودين الحق سيبقى إلى آخر الزمان ولن يضمحل أو يزول ولن يبدل أو يغير ولن يجتمع الناس كلهم على تركه لأن الله تعالى قضى ببقاء طائفة على الحق ويكونون حجة على غيرهم ودعاة لدينهم ومنهاجهم إلى أن يأذن الله تعالى برفع الإسلام حين يسرى على القرآن في ليلة فتحمى حروفه من السطور وترفع آياته من الصدور فلا يبقى في الأرض مزحف ولا حافظ وأما قبل ذلك ومع وجود القرآن فالإسلام باق ولو ضل عنه أكثر الناس وحاربوه واجتهدوا في محوه وتبديله وخير من قام بالإسلام حق القيام ومثله أحسن تمثيل وطبقه أدق تطبيق وفهمه أكثر فهم هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم ثم التابعون لهم بإحسان وكلما اقترب المسلم من منهج الصحابة رضي الله عنهم كان أكمل في تطبيق الإسلام وأحكم في فهم نصوص الكتاب والسنة وأسلم من الهوى وأبعد عن الانحراف وبقدر ابتعاده عن منهج الصحابة وفهمهم يبتعد عن فهم الإسلام ولو كان يحفظ الكتاب والسنة وسبب ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بنصوص الكتاب والسنة وأكثرهم فهما لها فقد آتاهم الله أفهاما حادة وعقولا نظيفة لم تتلوث بثقافات أخرى ولأنهم أعلم الناس باللسان الذي نطق به الدين فهم أقحاح العرب وقد شرفتهم صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بزكاة قلوبهم وهذبت أخلاقهم وسلوكهم وحضروا التنزيل وفهموا معناه وعرفوا أسبابه ومناسباته وأدركوا مراد الشارع منه. ولا يعقل أن يختار الله حملة لدينه وصحبة لنبيه إلا أفضل هذه الأمة في كل شيء. فالرد إليهم في فهم النص أضمن في إدراك المراد وأسلم من الشطط والانحراف. وخلفهم التابعون ثم أتباعهم فأخذوا من علم الصحابة ما أخذوا، فكان خير هذه الأمة وأعلمها بدين الإسلام أهل القرون الثلاثة المفضلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تشمل خيرية الفضل والعلم والعمل، وذلك لأن الخيرية مطلقة، ولأن من أسباب خيرية الفضل التقدم في العلم والعمل. والصحابة هم أفاضل هذه الأمة، وهم أكثرها علما وأحسنها عملا، ثم التابعون فأتباعهم. وبعد القرون الثلاثة المفضلة، الأول تفاقت الفتن وانتشرت البدع وكثرت الأهواء وطالت أيدي التحريف كثيرا في معاني الكتاب والسنة، واشتد الأمر وعظم البلاء بفتنة خلق القرآن التي تبناها المعتزلة، ووضعوا السيوف على الرقاب لفرضها، وألهبوا الظهور بالصياط لمن يرفضها. وإن تعجب فعجب أن أهل الأهواء اليوم يتظاهرون بالدعوة إلى الحرية مثل سلفهم المعتزلة الذين أرادوا فرض انحرافهم العقدي على الناس بالسيوط والسجن والسيوف. ودعاة الفتن والأهواء اليوم ليسوا بعيدين عنهم، بل مثلهم. فانبرى للدفاع عن عقيدة السلف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وبقي صلبا يتحمل كل الأذى في سبيلها من ضرب وسجن وإهانة وتخويف، وعرض على السيف أكثر من مرة حتى انتصر الحق على الباطل بابن حنبل، فاستحق لقب إمام أهل السنة لأنه حافظ على فهم الصحابة للنص، ودحض تحريف أهل البدعة، وله بما تعلموا من طرق كلامية وأصول فلسفية، فرد على المعتزلة، حتى قال علي بن المديني أحد أئمة السلف: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. فظل فهم الصحابة للكتاب والسنة متوارثا بين علماء الأمة الذين يعظمون الأثر وينتمون للسلف، حتى التصق بهم وصف السلفية. ومن خالف طريقتهم في فهم الكتاب والسنة ممن تأثر بالثقافات الأخرى يخطئ في فهم الشريعة بحسب ما يغتفر من تلك الثقافات. وفي القرن السابع الهجري انتشرت المذاهب الكلامية وأقحمت في الشريعة الإسلامية، وحكمت نصوص الكتاب والسنة إلى قواعدها، يعني قواعد علم الكلام والفلسفة، فحصل في الأمة انحراف كثير وكبير حاد بكثير من العلماء عن إدراك مراد الشارع الحكيم، فسطوا على معاني النصوص بالتأويل والتحريف، حتى أضلوا كثيرا من عوام المسلمين. فقيض الله تعالى الإمام أحمد بن تيمية للذب عن الشريعة الربانية والمحافظة على فهم الصحابة للنصوص القرآنية والنبوية ورد شبهات المنحرفين المؤولين، فنقض الأصول الفلسفية والكلامية من داخلها وقوض بناءها وأركانها وكشف ضعفها وتهافتها وأصل للعلوم العقلية الصحيحة ببراهين الكتاب والسنة، وقد شهد له بإتقان العلوم الشرعية والعقلية من اطلعوا على كتبه ورسائله حتى أقر بحذقه وعبقريته المخالفون له، وانكب المستشرقون على دراسة كلامه، واعترف كثير منهم أن كتبه تمثل الإسلام الصحيح النقي من شوائب التأويل والتحريف، وأنه امتداد لمنهج السلف في تعظيم النص والأخذ به. ثم في القرن الحادي عشر انتشرت الخرافة في كثير من بلاد المسلمين، وعاد الشرك إلى جزيرة العرب في قبور وأشجار تعبد من دون الله. فقيض الله تعالى للمسلمين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فحارب الشرك والبدعة ودعا إلى التوحيد والسنة، وألف الكتب وأرسل الرسائل وعقد الدروس ورب الناس على التوحيد، حتى عاد للإسلام صفاءه وأعاد للسنة وجهها وأتى على بنيان الشرك والخرافة فهدمه، وكشف شبهات المبتدعة. وكانت دعوته رحمه الله تعالى مرحلة من المراحل المهمة في تاريخ هذه الأمة، بنجاحها وظهرت دعوات إصلاحية في كثير من البلاد الإسلامية لتعيد الأمة إلى سابق عهدها وتسترجع لها مجدها وتكسر طوق الاستعمار الذي خنقها ومكن لظهور أعدائها عليها. هذه هي السلفية التي صارت الشغل الشاغل للكفار والمنافقين وللسياسيين والإعلاميين نقدا لها وقدحا فيها وتحميلها كل بلاء العالم. إنها السلفية التي يسمونها الوهابية للتنفير منها، ولكنها تزداد انتشارا بتنفيرهم منها، وتزداد قوة بمحاربتهم لها، حتى ما خلت دولة منها ولا أرض إلا بلغتها دعوتها. وليس ذلك لقوة أتباعها ودعاتها، بل لقوة هذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ لها الذي يحفظ هذه الدعوة، لقوة الدعوة وبضوحها وثباتها وكونها تمثل حقيقة الإسلام النقي الخالي من شوائب البدعة. فقواتها من قوة الإسلام، وانتشارها من انتشاره، وحفظها من حفظه. وإنما يسمونها بالوهابية هو السلفية، وهي مذهب أهل السنة والجماعة، وهي حقيقة الإسلام الذي جاءت به النصوص وفهمه الصحابة رضي الله عنهم ونقله السلف إلى الخلف حتى وصل إلينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, craignez Allah, et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé ses serviteurs par la religion de la vérité. Et c'est une épreuve dans le sens que les croyants ont la responsabilité d'établir cette religion et d'appeler à celle-ci et de la défendre et de lutter dans son sentier. Et il a éprouvé les hommes également par les religions du mensonge et de la fausseté, dans le sens qu'ils doivent les rejeter, dévoiler leurs mensonges et leurs faussetés, avertir les hommes à leur sujet et lutter ceux qui appellent à celle-ci. Lutter contre ceux qui appellent aux religions de mensonges et de fausseté. Et donc les gens qui appellent à la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a établis. C'est-à-dire que pour la religion de la vérité, il y a des gens qui appellent, il y a des prêcheurs, il y a des ulama qui appellent à cette religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de ça une chose établie. Lorsqu'il dit « Mimman khalaqna ummatun yahduna bilhaq wa bihi ya'dilun » Donc parmi ceux que nous avons créés, il y a une nation qui guide par la vérité et qui établissent par celle-ci la justice. Et comme il y a également pour ceux qui suivent les religions de fausseté, des gens qui appellent à celle-ci et qui invitent les gens à les suivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, nous les avons établis comme des gens qui appellent à l'enfer, et au jour de la résurrection, ils ne seront pas supportés ni défendus. Ils n'auront pas de protecteur. Et donc la religion de la vérité, elle va demeurer jusqu'à la fin des temps. Elle ne va jamais disparaître. Elle ne va jamais être anéantie. Il y aura toujours des gens pour la défendre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il y aura toujours un groupe de cette umma qui va rester ferme sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Et donc, il y aura toujours, tant que le Coran est présent et tant que la sunna est présente, l'islam sera toujours là et sera toujours établi. Et cette religion, elle va rester jusqu'à la fin des temps, même si la plupart des gens la combattent, même si la plupart des gens s'y opposent, même si la plupart des gens essaient de faire des choses pour essayer de la déformer ou de la changer. C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les meilleurs de cette umma qui ont le mieux établi et pratiqué cette religion, parmi tous les hommes et qui ont été les vrais représentants de cet islam, sont dans leur compréhension les sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne qui a compris l'islam mieux qu'eux. Il n'y a personne qui ont appliqué l'islam mieux qu'eux. Et après les sahaba, leurs élèves, ce qu'on appelle les tabi'oun. Et plus tu t'approches de la compréhension des sahaba, plus ta compréhension de l'islam et ton application de l'islam sera complète et parfaite. Et plus tu t'éloignes de la compréhension des sahaba, et bien dans ce cas-là, plus tu t'éloignes de la vraie compréhension de l'islam authentique. Et donc il faut savoir que qu'est-ce qui nous éloigne et nous protège des passions et des égarements, c'est la compréhension que les sahaba ont eue de la religion de l'islam et la méthodologie qu'ils ont adoptée pour comprendre les textes de la religion. Et la raison de cela, c'est parce que les sahaba sont les plus savants au sujet des textes de la révélation. Et ils ont la compréhension et l'intelligence des textes et la raison des textes qui n'a pas été corrompue ou souillé par toutes sortes d'autres idéologies ou croyances étrangères. Et également parce qu'ils ont compris la langue du Coran, puisque le Coran a été révélé dans leur langue à eux, avant que l'arabe soit corrompu ou avant que l'arabe soit changé par justement toutes sortes d'autres mentalités et d'autres langues étrangères. Donc le Coran a été révélé dans leur arabe, l'arabe des Sahaba et non pas l'arabe actuel. Et donc pour comprendre le Coran, il faut étudier l'arabe qui était parlé à leur époque. Et ils ont également eu l'honneur d'être les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont eu leur cœur purifié et leur comportement adouci par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc leur comportement et leur conduite a été établi par l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de plus, ils ont été présents lors de la révélation. Et donc ils savent chaque verset, en quelles circonstances il a été révélé et dans quel contexte il a été descendu et pour quelle cause. Et donc ils comprennent non seulement les textes mais le contexte de l'application de ces textes, et ils savent le mieux comment les appliquer dans toutes circonstances. Et donc ils sont les meilleurs de cette Ummah pour comprendre et pour pratiquer cette religion. Et tous ceux qui veulent donc établir la religion de l'islam sont obligés de revenir à leur exemple et à leur compréhension et à leur méthodologie. Et ils ont été suivis par la suite par leurs élèves, les tabi'oun, qui ont pris des sahaba la science et qui ont pris des sahaba la compréhension de la religion et des textes. Et ils sont les meilleurs de cette umma, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, que cette umma, hein, il dit, les meilleurs de cette umma sont ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Et donc ces trois premières générations sont les trois générations bénites. Et par la suite sont venues des fitanes, des troubles, des malheurs, des problèmes, des divisions, des guerres et toutes sortes de passions, des innovations et des sectes qui se sont multipliées et qui sont apparues, qui se sont développées et qui ont fait des efforts pour essayer de déformer la réalité du sens du Coran et de la Sunna. Et les choses sont donc venues difficiles pour comprendre la réalité de l'islam. Et on a vu apparaître la fitna, par exemple, qu'on a appelée fitnatu khalq al-Qur'an, qui est apparue à l'époque du Khalifa al-Ma'moun. Et il a appelé à dire que le Coran est créé et que ce n'est pas la parole d'Allah. Et cette idée a été enseignée par la secte des Mu'tazila. Et ils ont même torturé et tué beaucoup de grands ulama pour leur imposer cette position et cette parole. Mais parmi les grands imams de l'islam, il y a eu l'imam Ahmad ibn Hanbal, un des grands imams parmi les imams des salafs. Et il a tenu tête à cette fitna. Il a tenu tête aux Mu'tazila. Et il les a réfutés et il a ramené l'islam à sa pureté. Et c'est pourquoi on l'appelle l'imam de Ahlus Sunnah, l'imam des gens de la Sunnah. Il y a également par la suite des siècles qui ont passé et d'autres fitnes se sont produites et d'autres égarements sont apparus. Et on a vu venir un autre grand savant parmi les savants de l'islam et les réformateurs, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui a défendu la compréhension des salafs et qui est encore une fois ramené l'islam à sa pureté et qui a réfuté toutes les différentes sectes et les différents groupes d'égarements qui essayaient de déformer la réalité de l'islam et la compréhension des salafs. Puis, après lui, également, encore une fois, toutes sortes d'innovations sont apparues. Et des gens ont même commencé à adorer les morts et vénérer les tombes et croire en toutes sortes de superstitions. Et Allah subhanahu wa ta'ala a suscité donc dans cette Ummah un autre grand savant parmi les imams de la réforme, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui a écrit de nombreux livres, de nombreux ouvrages pour clarifier la réalité de l'islam et ramener les musulmans à la pureté du tawhid, et qui a réfuté les innovations et les bid'ahs, et qui a ramené les musulmans à la sunna et à la voie des salafs, encore une fois. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala fait. Chaque fois qu'il y a des déviations et qu'il y a des égarements qui sont propagés dans la ummah, il fait qu'il y ait un savant, un imam, un alim qui vienne et qui réforme et qui ramène l'islam à sa pureté. Et la réforme dans l'islam, ça ne signifie pas de changer la réalité de l'islam et de l'interpréter pour faire plaisir aux ennemis de la religion, mais plutôt réformer l'islam signifie de détruire ou d'enlever de l'islam tout ce qui a été rajouté, tout ce qui a été ajouté à la pureté de l'islam pour la ramener à l'état où elle était au début lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ramené, ainsi que ses sahaba. Et donc ça, c'est parmi les exemples qui montrent à quel point Allah subhanahu wa ta'ala protège sa religion et défend cette ummah contre toute forme de déviation et d'égarement qui peuvent y pénétrer par l'intermédiaire des ulama et des imams de la sunna. Et c'est ça la réalité de la salafia, de comprendre l'islam selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les sahaba. Et c'est ça que aujourd'hui les ennemis de l'islam essaient de combattre le plus, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de réel islam excepté l'islam qui a été ramené par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils essaient par tous les moyens de faire peur aux gens et de les faire fuir de cet réel islam. Et ils l'appellent par d'autres noms. Ils l'appellent wahhabiyya, ils l'appellent toutes sortes d'autres appellations. Mais on sait très bien que la réalité de l'islam, c'est de s'accrocher au Coran et à la sunna et à la compréhension et la méthodologie de nos pieux prédécesseurs. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.